Merci de choisir la radio Isanganiro pour vous informer. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici d'abord le sommaire. La libéralisation du secteur privé est l'un des préalables pour que le Burundi avance vers l'émergence en 2040. Analyse de professeur Hicham El Massaoui, expert en économie. C'était lors du 5e sommet économique à Bujumbura ce mercredi. On y reviendra dans cette édition. À Buyenzi, en mairie de Bujumbura, des toitures de plus de 280 maisons ont été emportées par un vent violent ce mardi. Des objets ont été endommagés. Les victimes demandent assistance. Notre reporter nous décrira la situation. Et après la hausse des prix des produits pétroliers, les prix du ticket de transport vient d'être majoré. Et ce n'est pas tout. Les prix des intrants agricoles viennent aussi d'être revus à la hausse. Les raisons sont liées au taux de change des devises selon le ministre en charge de l'agriculture. Et voilà pour le sommaire. Doré Bingabile, je suis à la présentation. Alphonse Kugimana sur la mise en onde. Dans un instant, les détails. La radio de l'avenir. Bienvenue. 650 francs burundais est le nouveau prix du ticket de transport par bus en mairie de Bujumbura. Le prix fixé pour les quartiers périphériques a connu tantôt une hausse de 50 francs, tantôt de 100 francs burundais dans un communiqué du ministère des Transports ce mercredi. Il ressort qu'à l'intérieur du pays, les prix connaissent généralement une hausse de 500 francs burundais. Les transporteurs par véhicule de type Probox étant admis pour une hausse de 1000 francs burundais par personne sur ces nouveaux prix. Les nouveaux prix viennent remplacer ceux qui avaient été fixés en date du 24 juillet cette année. En parlant de hausse de prix, le gouvernement burundais vient de réaménager les prix des intrants agricoles. Le coût pour les agriculteurs est de 31 000 francs burundais par sac de 25 kg pour Fomi Imbura, 33 000 pour l'urée, la même quantité, et 28 000 pour Fomi Bagara, annonce du ministre en charge de l'agriculture, Sanctus Niragira, dans un point de presse ce mercredi. Entre autres raisons, les raisons sont liées à cette revue à la hausse. Il y a le taux de change des devises selon le ministre. Je venais de vous le dire dans les titres. Les toitures de plus de 280 maisons ont été emportées par le vent violent l'après-midi de ce mardi. Dans la zone de Buyenzi, en mairie de Bujumbura, les victimes rapportent qu'ils dorment à la belle étoile et que tous les objets ont été endommagés. Ils demandent aux autorités et aux autres personnes de leur venir en aide. Le point avec Jean-Marie Mayonga. Les maisons emportées par le vent violent dans la zone Buyenzi sont dans tous les quartiers au nombre de 7 qui composent la zone, là où la radio-télévision Isanganiro a visité, comme à la 11e avenue, 12e avenue, 13e avenue et 15e avenue. Les victimes sont dans la situation de désolation et disent que plusieurs objets sont endommagés. On dirait que la pluie voulait pleuvoir, mais ça s'est montré comme c'est la pluie, mais ce n'était pas la pluie. C'était quand même des tremblements de terre. D'après moi, je vois que c'était des tremblements de terre. Et c'était un tremblement de terre à un petit temps, à 2 minutes seulement. Avec 2 minutes, le tout était déjà passé. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de vent. D'ailleurs, c'était un vent violent. J'étais avec mon enfant dans la maison et il a plu vers 15h. Après, un vent violent s'est poursuivi et les maisons étaient emportées. Tous les objets sont endommagés, comme les cahiers, les uniformes et les matelas. Nous ne voyons pas où aller pour faire dormir nos enfants. Ils demandent au gouvernement de leur venir en aide en leur donna des toitures ou des bâches pour réhabiliter leur maison. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est de nous aider si c'est possible. Parce que ce n'est pas seulement nous, c'est à Buyenzi seulement. Il y a d'autres maisons. Nous demandons au gouvernement de nous aider parce que partout où les gens ont connu de tels problèmes, c'est le gouvernement qui intervient en premier lieu. Le gouvernement est notre parent. Nous demandons dans l'urgence pinces, des tôles ou des bâches pour la toiture afin que nos enfants trouvent une place à dormir. Mwazi Barinzigo, chef de cellule, elle aussi demande aux âmes charitables d'intervenir pour que ces gens ne puissent pas continuer à passer la nuit dehors. Dans cette zone de Buyenzi, plusieurs quartiers ont été touchés par ce vent violent qui a endommagé des maisons. Et la 12e avenue et 11e avenue visitées sont les avenues où on a observé que plus de 10 maisons ont été emportées par le vent. Merci à toi Jean-Marie Mayonga. La libéralisation du secteur privé est l'un des préalables pour que le Burundi avance vers l'émergence en 2040. Analyse de professeur Hicham El Massaoui, de nationalité marocaine, expert en économie. C'était lors du 5e sommet économique à Bujumbura ce mercredi. Aimable Manila Kiza, directeur général du Centre de développement des entreprises dans la région des Grands Lacs, encourage la responsabilité de tout un chacun et des entreprises concernées. Omer Wayo. Lors de ce sommet, professeur Hicham El Moussaoui, expert en économie, trouve que le Burundi est en retard vers l'émergence. Le Burundi occupe la 46e place sur 54 pays. Et donc il a un score de 38 sur 100, ce qui fait qu'il est plutôt dans le groupe des pays qui sont vraiment très en retard sur la question de l'émergence. La stratégie consiste à donner plus de liberté d'action au secteur privé. Il faut vraiment que le secteur privé soit au cœur du processus d'émergence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de stimuler les entreprises publiques, il va falloir soutenir les entreprises privées. Ce qui ne décourage pas le Centre de développement des entreprises, Great Lakes. Aimable Manirakiza, le directeur général de ce centre, revient sur l'engagement des entreprises concernées. Lorsqu'on a une équipe de gens responsables au développement du pays, même les investissements qu'on engage dans différents secteurs génèrent facilement. En revanche, si on investit dans des affaires que dans des personnes, ces fonds ne génèrent pas convenablement. Pour atteindre la vision d'être un pays émergent en 2040, il faut que le Burundi ait une stabilité politique, estime professeur Hicham, expert. Il faut changer un petit peu donc les règles du jeu qui organisent toute l'activité économique, toujours dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire simplifier, simplifier, simplifier. Plus tu vas simplifier, plus tu vas attirer de l'argent. Tu simplifies la fiscalité, tu simplifies les autorisations, les permis, eh bien, les formalités administratives, eh bien, les gens, ils vont inviter. Et pas uniquement les étrangers, les Burundais eux-mêmes, qui peut-être tu dis, ah, il n'y a pas d'entrepreneurs au Burundi. Il y en a. Mais le problème, c'est qu'ils n'osent pas ou ils sont découragés par les formalités, par la fiscalité. Donc, si on enlève ces cailloux-là de leurs, je dirais, chaussures, si j'ose dire, eh bien, ils pourraient marcher un peu plus rapidement, un peu plus à l'aise, et donc ça va profiter à tout le monde. Donc j'y crois. Par contre, 2040, je pense que c'est un petit peu ambitieux, ça peut arriver, mais je pense qu'on aura besoin, dans le cas du Burundi, d'un peu plus de temps, de la stabilité politique. Selon toujours cet expert, l'intensification des concurrences va favoriser une meilleure allocation du capital. Merci Omer Ndouayo. Parlons agriculture à présent. En mairie d'Objumbura, certains habitants de la mairie d'Objumbura trouvent que la procédure d'arrestation des personnes soupçonnées d'infractions est quelquefois violée. Ils déplorent que certains policiers arrêtent des gens sans toutefois être informés et quelquefois sans mandat. Ils demandent aux organes habilités de respecter les organes de procédure pénale. Suivez-les. Des personnes sont parfois arrêtées par les organes de sécurité suite à une telle ou autre infraction, mais la procédure dont certains policiers utilisent n'est pas conforme à la loi. Nous observons que lors de l'arrestation, certaines personnes sont bâtonnées et torturées. En outre, la manière dont sont transportées dans les camionnettes n'est pas bonne, parce que tu trouves parfois les policiers assis sur ces personnes attrapées. C'est vraiment ridicule. Certaines situations concernent par exemple les commerçants ambulants et ceux qui se sont arrêtés lors des fouilles. Souvent, la procédure n'est pas respectée. Il faut alors que les coupables soient arrêtés comme des humains. Ah. Son est juste, mais il faut garder toujours la dignité humaine. Lorsqu'une personne est jugée coupable, il faut la sanctionner en respectant ses droits. C'est important de lui montrer un avis de recherche afin que sa famille puisse connaître la destination de la victime. Captez Isanganiro, écoutez la différence. L'actualité nationale continue. Parlant agriculture, les agriculteurs de la province Wulili font face au manque de semences de pommes de terre et de maïs à l'approche de la saison culturelle A, selon les techniciens agronomes. Le retard des pluies pendant la saison culturelle A de l'année écoulée est la principale cause de ce manque de semences pour cette saison A. Ces agronomes proposent la variété de pommes de terre à longue dormance pour que cette pénurie ne se reproduise pas. Et pour le maïs, ils invitent les agriculteurs à les acheter au centre semencier de Kadjondi dans cette province. Correspondance de Zeno Nzambimana. Les agriculteurs qui cherchaient ce mercredi les semences de maïs au marché de Bruli étaient très nombreux, autour de deux familles uniquement qui les vendaient à 5000 francs burundais le kilogramme. Ces agriculteurs disent que la récolte du maïs n'a pas été bonne cette année, raison pour laquelle ils font face aujourd'hui à cette pénurie de semences. Ils ajoutent que même les semences des pommes de terre ne s'achètent nulle part dans la province de Bruli et demandent au ministère et à l'agriculture dans cette attribution de chercher ces semences. Les techniciens agronomes avec qui nous sommes entretenus expliquent cette pénurie de semences de pommes de terre par le retard des pluies pendant la saison culturelle A de l'année écoulée, ce qui a été source de manque de semences pour la saison culturelle B de cette année, une saison qui devrait donner les semences pour la saison culturelle A déjà en cours. Selon ces agronomes communaux, il faut une variété de pommes de terre à longue dormance pour les utiliser en cas de perturbation climatique. Concernant les semences de maïs, ces agronomes conseillent les agriculteurs de la province de Bruli à chercher les semences sélectionnées dans les différents centres semenciers comme celui de Kajondi en commune de Rutovu où un kilogramme s'achète à 2500 francs burundais. Selon les informations en provenance de ce centre, il ne reste que 10 tonnes de semences de maïs communément appelées Mugamba, mais le stock de semences appelées communément Isega, qui est beaucoup préféré par beaucoup d'agriculteurs, sont vides depuis quelques jours, de même que les stocks de semences de pommes de terre. Vous saurez que la saison des pluies a déjà débuté dans toute la province de Bruli depuis plus d'une semaine et certains des agriculteurs qui n'utilisaient pas des engrais fourmis ont déjà commencé le semis au moment où d'autres disent qu'ils attendent toujours l'autorisation pour payer les sordes afin de récupérer les fertilisants commandés et ainsi commencer le semis. Depuis Bruli, Zeno Zabimana pour la radio Isanganiro. Merci à toi Zeno de Bruli. Rendons-nous à Bubanza pour parler éducation. La province scolaire de Bubanza a été autorisée à recruter 107 enseignants seulement sur un besoin de 805 dans les écoles fondamentales et post-fondamentales. Les parents se lamentent et disent qu'ils vont continuer à payer les frais d'encouragement des enseignants bénévoles alors que l'enseignement devrait être gratuit. Toujours en éducation, le test de recrutement des enseignants a été émaillé par plusieurs irrégularités dans plusieurs coins du pays. Propos d'Antoine Manouma, président de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi. Antoine Manouma se dit satisfait des actions du gouvernement visant à pénaliser les auteurs des fraudes constatées au cours de ce test et demande au gouvernement d'arrêter des stratégies dans l'avenir visant à décourager ces fraudes survenues au cours de passations antérieures. Suivez Antoine Manouma dans ses propos recueillis par Évariste Ndikobanyanga. Le test de recrutement des enseignants de l'année 2023 a été marqué par de nombreux cas de fraude ou de tentatives de fraude rapportées à travers tout le pays dans le but d'arranger les candidats au recrutement qui n'ont pas obtenu la note exigée. Même dans les années antérieures, de telles irrégularités ont été remarquées dans certaines localités du pays. Un nombre réduit d'enseignants à recruter dans un contexte d'un taux de chômage en hausse est la cause essentielle de ce phénomène. Dans pareil cas, le favoritisme et la corruption dominent dans le recrutement par rapport à l'équité et à l'impartialité. Les réclamations sont entendues dans plusieurs coins du pays. La Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, demande une enquête approfondie menée par des personnalités compétentes pour s'enquérir de la situation et pouvoir prendre des décisions conséquentes. dans le but d'endiguer les cas de fraude en grand nombre. Et dans le futur, il est nécessaire que le test de recrutement soit valorisé et que d'autres stratégies de passation soient définies, comme la permutation entre les communes des surveillants et des correcteurs du test. Nous profitons de l'occasion pour remercier l'autorité compétente qui est en train de prendre des mesures envers des membres des commissions de recrutement des enseignants qui se rendent coupables des actes de fraude. Parle, rassure-moi. Les discours hâtifs ou irréfléchis peuvent aboutir à des violences dans les communautés. Selon des habitants de la commune Bugendana en province Gitega, les blessures dues à un passé douloureux, la non-réconciliation sont quelques-unes des causes de ce genre de discours. Dieudonné Akidimana, conseiller communal chargé des questions sociales, appelle sa population à éviter de tels discours blessants. Je vous invite à suivre cette chronique préparée par Mireille Kanyang. Certains de ces habitants de la commune Bugendana affirment avoir déjà entendu de tels discours. Ils pensent que la mauvaise foi ou des blessures du passé sont entre autres causes de tels discours. Pour moi, je ne dirais pas qu'ils ont beaucoup plus subi des périodes de sombres. Je dirais plutôt que c'est par mauvaise foi. Moi, je pense que c'est de la haine suite au passé. Vous voyez que dans le passé, Hutu et Tutsi se sont entretués. Quand tu sais que quelqu'un a tué les tiens, vraiment, quand tu rencontres cette personne, tu sens la haine envers lui. Et tu dis tout ce qui se passe en tête sans réfléchir. Je pense que c'est signe d'un passé qui n'a pas passé. Peut-être il y a une étape que nous, Burundais, n'avons pas encore franchie, parce qu'il y a une vérité que nous n'avons pas encore dite. Pour eux, les messages et discours irréfléchis peuvent aboutir à des violences de masse. Avant de sortir un mot, il faut tourner sa langue, disait-il. Ça nous fait retourner dans le passé et des histoires de méfiance selon lesquelles les Tutsis et les Hutus sont des tueurs qu'ils veulent faire comme avant. Si rien n'est fait, des violences de masse peuvent avoir lieu. Parce que quand tu injuries quelqu'un, il peut croire que le passé revient, il peut te tuer. S'il arrive que l'on s'adresse à quelqu'un qui a été blessé par la guerre, s'il n'y a pas de personne à côté pour calmer la situation, ça peut dégénérer. Si c'est ainsi, ce n'est plus de mésentente, ça devient une infraction et la communauté est affectée. Dieudonné Hakizimana, conseiller de l'administrateur de Bugendana chargé des questions sociales, appelle la population de cette commune à la retenue et éviter de tels messages pouvant réveiller la haine et diviser les communautés. Qu'ils vivent pacifiquement, on les appelle à éviter tout ce qui peut aboutir à des discours irréfléchis, parce que si ce n'est pas le cas, tu ne sauras pas comment quelqu'un d'autre l'a accueilli. Il se peut que tu le blesses davantage. Dans différentes réunions ou d'autres échanges, nous les sensibilisons à utiliser des mots constructifs. Selon toujours cet administratif, les discours irréfléchis sont blessants et peuvent réveiller un passé douloureux et empêcher la réconciliation des communautés. Mireille Kanyangé. Point final à cette édition. Merci encore pour votre oreille attentive et fidèle. Dore Bingabide à la présentation. Alphonse Kubgimana assurait la mise en onde. Excellente suite des programmes sur Isanganiro.